Hein. Je me suis souvenu que les blessures du cœur faisaient mal et que les larmes avaient le goût de la mer. La passion c'est une vertu, je la garde pour mes gosses. Ferme pas de travers, on va te niquer ta mère. Je connais des rappeurs, c'est comme des meufs. Pour une bite, ils iraient baisser leur robe. Ça fait ce pute, j'suis en connexion avec des hommes. Si ces types d'alimenter l'Europe. Un gang de malades, de malades, de malades. 3h du matin dans cité, je me balade. Je me réveillais, j'avais la vie sur le T2. Là je me lève, j'ai la vie sur tout Paname. On rase les clubs, il rase des tubs. La crime au placard ne sait que faire des thunes. Crois-moi sur parole, ce qui rend fou l'homme. Ça n'est pas le doute, mais c'est la certitude. J'aime mes notes des prisonniers sans diplôme. J'ai des merdes et ses sangs, je te roule dans un petit cône. J'ai l'habitude des larmes, on communique par tel satellite. Pour sans qu'il y a pas d'émoticône. La vie c'est dur mon frère et l'argent c'est facile. Y'a la coque pour m'acheter mes 2 hectares sur la côte. 0 degré, je fais chauffer ma piscine. Je tape la pause pour la tof du condé sur mes côtes. Force, force, à tous ceux qui rêveraient de me tuer. À la rafale bête miraculée. Il suffit d'une erreur pour t'enculer. Force, force, j'suis dans ma cité, j'suis ma pile. Va niquer ta mère, on fait des millions. 100 kilos PR dans le pavillon. Trafiquant mort comme El Chapo Mendoza. J'aurais pu pour poignée de dollars. Audemars au poignet de Omar. J'vendais de la femme, j'vendais pas de marron. Ils me demanderont ce qu'ils ont fait au noir. Dans un appart de marque avenue Macomahon. Sur grand écran je leur ferai voir. De notre côté personne t'aidera. Avant d'être dévusté j'suis bon galérien. Porte tes couilles personne t'aidera. Gros doute d'aller où pour couper les liens. Sale fils de pute t'es wall ou t'as rien. Comme Jamel Debbouze qui te serre dans ses bras. J'suis pas dans ta sphère, faut qu'un terrien. On va te niquer ta mère, tout c'est très bien. J'pénètre leur espace aérien. Dès que j'suis sorti du placard, j'crache sur la pousse comme un Algérien. L'air vie sera plus verte, bâtard. J'suis dans le cœur, puis j'suis raélien. Sortez le nain, y'a pas de risque qui vient. J'suis un glauque israélien. Tant à mano d'un palestinien. Force, force, à tous ceux qui rêveraient de me tuer. À la rafale, bête miraculée. Il suffit d'une erreur pour t'enculer. Force, force, j'suis dans ma cité, j'suis ma pile. Va niquer ta mère, on fait des millions. 100 kilos PR dans le pavillon. Un mari, si tu manges mon pain, qu'on en vienne aux mains, ça ne sert à rien. Un mari, même s'ils sont pleins, c'est des êtres humains, et mes frères sont mille, hein.